sentiment au seul bruit de ses pas tressaille la demeure. Puis le père joyeux l'embrasse longuement. Ô Dieu qui m'a créé, serais-tu moi Clément? Non, tu ne serais pas irrobé sous tes voiles, rejeté dans la nuit, mon fils infortuné, mon fils, devinant ton sourire au travers des étoiles. Il reviendrait vers toi, d'avance pardonné. Père, père, père, que je ne connais pas, en qui pourtant j'ai foi, parle à mon cœur, appelle-moi. Mon Dieu, tout à l'heure, je suis joyeuse.